écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pressionpunk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio à Ottawa, CHUO, 89,1 FM, Yellowknife, CVR, 103,5 FM et Iqaluit, CFRT, CFRET, 107,3 FM. Moi, mon nom c'est Mathieu et je vais vous présenter de la musique du punk, ska et du hardcore tout en français pendant 60 minutes. Je vous ai préparé tout ça, mais en fait... c'est pas moi qui vous ai préparé cette semaine. Cette semaine, on a une émission un peu spéciale. Toutes les chansons, les chansons cette semaine ont été choisies par ma conjointe Paris. C'était sa fête récemment. Et j'ai oublié de lui souhaiter bonne fête. Alors en onde. Alors pour me reprendre, pour présenter mes excuses et pour faire un cadeau, j'ai offert l'émission à Paris. J'ai dit tu peux prendre l'émission. L'heure est à toi. Choisis les chansons que tu veux entendre et je vais les faire jouer. Alors cette semaine, les chansons ont toutes été choisies par Paris. Et elle a du bon goût dans la musique, elle aime bien la bonne musique, elle fait des bons choix. Alors je pense que vous allez aimer l'émission cette semaine. On a commencé avec du Charlie Fiasco de l'album, leur plus récent album, Chronique d'un temps détourné, la chanson 22h22. On continue avec les 3-8 de leur album éponyme, le morceau Au fond des yeux. Alors voici les 3-8 à suppression. Partir loin des lieux qui... chaud craquant, ça passe au fond de la cale, criant et c'est tout fort, 500 âmes en cavale, le moteur qui s'arrête, qui ne redémarre plus, c'est la mort qui les guette, le silence qui les tue. Jamais, il ne va, non. C'était Action Sédition de leur split avec Streets of Rage, le morceau Class contre Class. Et avant ça, les 3-8 de leur album, ben en fait leur seul album, sorti l'année passée, en 2015, novembre je crois, c'était le morceau Au fond des yeux. On continue en musique, l'émission spéciale planifiée par Paris, ma conjointe, elle a tout préparé les chansons cette semaine, elle les a toutes choisies. Elle a choisi deux groupes, ben on va continuer avec deux groupes, Fortune Cookie Club, de leur album L'Histoire c'est maintenant, je vais faire jouer le morceau Malade imaginaire et du nouvel EP de Guerrier Poubelle Inferno, le morceau La Substance. Et ça tombe bien que Paris ait choisi ces deux morceaux-là parce que les deux groupes Fortune Cookie Club et Guerrier Poubelle font une tournée avec d'autres groupes. Ils seront à Gatineau, ils vont aussi être à Montréal, à Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Alma, Québec et Trois-Rivières au mois d'octobre. Ici à Gatineau, ils vont être ici le 24 octobre au Minotaur, ça va être super bon. Alors, c'est ça, je me ferme, je continue en musique, Fortune Cookie Club, Malade imaginaire à sous pression. I'm n'importe quelle danse. Est-ce que tu crois qu'on s'intéresse à la souffrance? Moi-même je te l'avoue, je bats des séries à la chaîne, car un peu de tout lâcher quand même. Et on râle, on a l'impression de faire de la politique, mais qui en intéresse en vrai. Avec nos folies, y'a peine simulée. N'importe quelle joie, n'importe quelle peur, n'importe quel échec, n'importe quelle danse. Est-ce que tu crois qu'on s'intéresse à la souffrance? J'en ai peur, je crève mais j'en espère. J'en rêve mais j'y espère. En crève mais j'en ai peur, je crève mais j'en espère. J'en rêve mais j'y espère. En crève mais j'en ai peur, je crève mais j'en espère. J'en rêve mais j'y espère. En crève mais j'en ai peur, je crève mais j'en espère. J'en rêve mais j'y espère. En crève mais j'en ai peur, je crève mais j'en espère. J'en rêve mais j'y espère. En crève mais j'en ai peur, je crève mais j'en espère. C'était Guerrier Poubelle de la plus récente EP Inferno, le morceau La Substance, du Fortune Cookie Club de l'album L'Histoire C'est Maintenant, le morceau Malade Imaginaire. Et je continue avec les deux prochaines sélections, les deux prochains choix par Paris. Je vais l'appeler DJ Paris Pression, pourquoi pas. C'est elle qui a préparé les chansons cette semaine pour l'émission. Je continue avec un groupe que je sais pas si je les ai déjà fait jouer, Nichiels. J'ai peut-être mal prononcé ça. En tout cas, de leur album, J'ai marché parmi les zombies, le morceau Va précariser ta mère. Et ensuite, je vais jouer un morceau acoustique de Vulgaire Machin, le morceau Et même si. Alors voici du Nichiels à sous pression. Je suis mort de rire, poussé du jus, mon fils, décroche-moi un sourire. De la grêle au mois d'août, échappait puis trois semaines pour attendre un peu, vivement l'année prochaine. Je précise pas d'embrouille, pas besoin de réfléchir. Les Alpes aujourd'hui, je joue la sécurité. Quand je crée cet hiver, y'a vraiment plus de saison. J'ai la même impression qu'on me vend pour un con. À quelle belle invention, tous ces cons j'ai payé. J'ai la douce sensation de me faire entuber. À quelle belle invention, tous ces cons j'ai porté. Il me reste encore trois jours de RTT. Et ça doit faire 25 ans que je suis mort de rire. Et l'amour du travail dans ma veste en cachemire. J'ai l'ambiance au bureau, sans vrai tout mes cochons. Jean-Jacques Lapé, caca sur la caisse du patron. Le matin, mon fida passe la serpillère. Le soir, c'est Marina qui ramasse les poupées. Tu verrais la nouvelle apprentie secrétaire. Elle est encore mieux que celle de l'année dernière. Des vacances au bureau, mieux que l'année dernière. Et l'amour du travail, la nouvelle société.

C'était Eric Perniek avec le morceau « Quoi on joue » de l'album « Catharsis ». Vulgaire Machin avant ça de leur album acoustique, le morceau « MMC ». Et on a commencé avec du Nietzsche's, le morceau « Va précariser ta mère » de leur album « J'ai marché parmi les zombies ». Vous écoutez toujours Sous Pression, une émission spéciale cette semaine préparée par pas par moi, les chansons n'ont pas été choisies par moi, elles ont été choisies par Paris, ma conjointe, c'était mon cadeau de fête, j'ai oublié de lui souhaiter bonne fête en onde, alors pour lui offrir mes excuses, j'ai dit je t'ai pas souhaité bonne fête en onde, alors je te donne l'émission, puis elle a préparé toutes les chansons cette semaine, des très bons choix de chansons. Très bon choix de musique, c'est ça, alors sur la première moitié de l'émission terminée, on va continuer avec la deuxième moitié, et à cause de ça, cette semaine, je ferai pas de bloc sono mondial, on va continuer avec le bloc sono mondial la semaine prochaine, ma vanne sera lancée dans la musique, il faut quand même pas trop s'éloigner de la tradition, c'est le mi-chemin de l'émission, je vous rappelle, à ceux et celles qui écoutent à la radio, que Sous Pression a un site web, allez checker souspressionpunk.com, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission, c'est la page de l'émission, c'est facebook.com/sous-pression. Et bien sûr, si vous voulez me contacter un peu plus directement, vous pouvez toujours évidemment le faire à partir du site web ou à partir du site Facebook, mais vous pouvez aussi le faire par courriel à l'adresse info@commercialsouspressionpunk.com. Alors envoyez-moi des messages, dites-moi bonjour, dites-moi, envoyez-moi chier, je sais pas, n'importe quoi, la musique, demande spéciale, des commentaires, je sais pas, si, ouais, c'est ça, alors, contactez-moi, allez checker le site web et allez checker Facebook et passez une excellente vie en ligne. Là je commence à radoter, alors je vais me fermer puis je vais me relancer dans la musique. On va continuer le prochain choix on va l'appeler DJ Paris Pression. C'est La Gâchette de leur album Ne renoncera pas. Voici le morceau Unité. Unité, dans ma vie, ma mère, tout seul. Une fois unis, rien ne pourra côté Maculianei. Pour un appart de luxe, un peu trop grand pour lui. Il fait sa campagne sur le droit de savoir voter. Un problème de conscience quand tu regardes TF1 le soir. Chaud de la malchance, chance. C'est du boulet, un gilet correct, tout claque, il n'est pas le plus. Ouais, j'ai eu ce man blow. Rastafari, reggae man. J'ai encore perdu, mais je ne jouais même pas. Un jour j'ai voulu, un jour j'ai pas le choix. Toi d'un au fond, j'ai besoin de ça. Parfois c'est moi, mais c'est plus ou pas toi. J'ai pas objectif, mais tu m'aimes comme ça. Si quelqu'un se plante, c'est jamais moi. C'est vrai qu'on n'est pas si différent. Et je sens même en main. Je ne veux plus jamais me réveiller. C'était Connie's avec Je veux pas arrêter de rêver de leur album EP éponyme, sorti, je sais pas si c'est une couple d'années maintenant. Lundi 13 de leur EP sans filtre, le morceau Roulette parisienne du Nina School, avant ça avec le morceau Encore une fois de leur album Du bruit dans la tête. Et on a commencé le bloc avec La gâchette de leur album Le Ne renoncera pas, c'était le morceau Unité. On continue maintenant avec l'émission préparée par Paris Pression avec du Justine de leur album Du pareil au même. Voici le morceau Parle-moi. Se réduire à ça, tu n'es qu'une merde qui a la base. Un cerisier sans les noircis de mots bien lourds. Un mémorial pour cœur troué a vu le jour. Bien dans ma chair, bien dans les coffres, bien fait pour moi. Qui méritait de te passer la dague au doigt. Alors voilà la saison du romantique gibier. J'aurais si peu de raison pour implorer ta pitié. Autant de temps passé là, dans mon propre cinéma. Bien fait pour moi, c'est mieux comme ça. Autant pour moi, mais à coup de pas, je ne t'aimais pas. C'était Colomba par Diego Palavas de l'album Expédition Punitive, du Scrap avant ça, de leur hippie Une nuit sur la corde à linge, le morceau Belle journée, Poésie Zéro avec Boulot, et on a commencé le bloc avec Justine de leur album Du Pareil au Même, c'était le morceau Parle-moi. Et là, c'est ça, j'ai maintenant, je vous fais jouer les deux derniers morceaux que choisis par DJ Paris Pression. Cette semaine, morceau Encore un verre de Cartouche et le morceau Fire de Brigada Flores Magone. Alors, c'était, moi, je pense que c'était une bonne émission. Paris a fait des très bons choix de musique. Alors, je veux lui remercier d'avoir fait ça. Et évidemment, je veux lui souhaiter une très bonne fête. Alors, c'est ça, je vais vous laisser avec ces deux derniers morceaux-là. Envoyez-moi un message si jamais vous avez des demandes spéciales. Je pense pas que je vais vous donner l'émission au complète, mais si vous avez des demandes spéciales à faire des chansons que vous aimeriez entendre, envoyez-moi un message. Encore merci à Paris d'avoir préparé l'émission. Et c'est ça, voici Cartouche et Brigada Flores Pagone. Passez une excellente semaine. Tu sais que ces idées noires, avec ses poteaux en comptoir, tout ce chômage maintenant. Dans les actionnaires, les salauds, envers ta délocalisée, ils proposent à d'autogérer l'usine. Mais le syndicat se complice, eut peur de perdre la partie. Signa les accords d'entreprise et s'en fut fini du boulot. Si il boit, c'est pour boire avec toi. je veux oublier ce soir que je n'aurai jamais le temps d'apprendre mille instruments et de vivre tous mes espoirs. Quand je me lèverai demain, j'aurai toujours ce goût amer d'alcool et de désillusion avant qu'ils fondent dans le café. Mais je sourirai encore, je me battrai encore, je manifesterai encore et je boirai, boirai encore. Si je bois, c'est pour boire avec toi, alors serre-moi un grand verre de vodka. Si je bois, c'est pour boire avec toi, alors serre-moi fort dans tes bras. Si je bois, c'est pour boire avec toi, un grand verre de vodka, alors serre-moi fort dans tes bras. Donner un sens au mot liberté, le sang qui coule dans tes veines, à la couleur du béton fatigué. I am means necessary. Tous égaux devant la loi, tous fils du même drapeau. Évidemment, ça se passe jamais comme l'ont écrit ceux d'en haut. Ta naissance était réglée, trop bronzé pour t'intégrer, trop pauvre, trop immigré, leur solution te désintégrer. Seulement, tu te sens